الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat fi al-islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Takallamna fi al-jum'ati al-madiyah an al-hurriyah wal-'ubudiyah. Nous avons parlé dans le vendredi passé à propos de la liberté et de l'esclavage. Et nous avons dit que le musulman véridique n'est qu'un esclave de Dieu. Et le pécheur, le désobéissant, n'est qu'un esclave de ses désirs et de ses passions. وقد ترجمت كلمة عبد بكلمة esclave. Et j'ai traduit le mot عبد par le mot esclave. وعادتي في الحقيقة أنني دائما أترجم كلمة عبد بكلمة خادم, serviteur. Et souvent ou toujours, je traduisais le mot عبد en arabe par le mot serviteur en français. Wa fi nadari kalimat khadim, à mon avis, le mot domestique, le mot serviteur, tarjama ghair sahiha li kalimat 'abd, est une mauvaise traduction ou une traduction fausse erronée du mot 'abd qui signifie esclave. Walakinaha qaribat al-ma'na minha, mais elle reste, le mot serviteur reste, ou le sens du serviteur est proche quand même du sens de l'esclave ou du abd. Wa kull al-mutarjimun yasta'milunaha li'annaha akhaffu quwwah. Tous les traducteurs que je connais utilisent le mot serviteur parce qu'il est plus light, parce qu'il est léger en intensité que le mot esclave. Min kalimat al-abd التي هذه الكلمة العبد التي يكرهها الفرنسيون, ce mot esclave qui est détesté par les Français. ويخشى المترجمون أن كلمة esclave تبعد الفرنسيين من الإسلام. Les traducteurs craignent que le mot esclave éloigne les Français de l'islam. لأن كلمة العبد محملة عند الفرنسيين بتاريخ مرير. Parce que le mot esclave chez les Français est chargé ou est bien chargé d'une histoire amère chez les Français ou d'autres, ou surtout dans les peuples qui ont subi l'esclavage. Normalement, l'esclavage est une épreuve de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on doit agréer et accepter tout ce qui vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ghayra anni fil marra al-madiya استعملت عنوة كلمة esclave. Mais dans la semaine précédente, exprès, volontairement, j'ai utilisé le mot esclave. لأنها في نظري أقرب كلمة فرنسية من كلمة العبد. Tout simplement parce qu'à mon avis, le mot esclave est le plus proche parmi tous les mots français du mot عبد en arabe. ولأني أردت أن أوقظ دهشة المستمع حتى يتذكر أنه ليس حرا. Et j'ai voulu choquer l'auditeur pour qu'il se rappelle qu'il n'est pas libre, et que dans le cas où il refuse d'être un esclave de Dieu, dans ce cas-là, sûrement, il deviendra l'esclave de Shaytan, de Satan et de la passion. Mais il se peut que quelqu'un se pose la question, pourquoi Dieu nous a donné ce nom d'esclave pour lui? رغم ما في هذه الكلمة من الشدة التاريخية التي تذكر بظلم كبير يرفضه الناس. Malgré ce qu'il y a dans ce mot esclave de dureté historique qui rappelle la grande injustice refusée par les gens. وربما يقول آخر, et peut-être un autre va se poser la question, هل فعلا كلمة esclave هي الترجمة الصحيحة لكلمة عبد؟ Peut-être un autre va dire, est-ce que le mot esclave est la vraie traduction ou la bonne traduction du mot abd? Rubbama yaqulu akhar, peut-être un autre va dire, alaysa alwaqi' alhali yafridu alayna isti'mal kalimat khadim? Un autre va se poser la question, est-ce que la réalité actuelle, le vécu actuel ne nous impose pas d'utiliser le mot serviteur? وقد سألني فعلا بعد الصلاة في الأسبوع الماضي أحد الإخوة ما يشبه هذه الأسئلة et réellement l'un de mes frères, que Dieu le bénisse, m'a posé quelques questions semblables à celle-ci juste après le discours de la semaine dernière. أقول في الجواب, je dis dans la réponse, نحن نريد معرفة الحقيقة, nous voulons seulement connaître la vérité. ونريد إعطاء نفس الحقيقة قدر الإمكان لمن يستمع الترجمة. Et on veut donner la même vérité le maximum possible, on rapproche le maximum possible cette vérité à celui qui ne comprend pas l'arabe et qui écoute que la traduction. رغم أن الترجمة من غير قصد دائما فيها نوع من الخيانة للنص الأصلي, malgré que le proverbe dit traduire c'est trahir involontairement le texte à traduire. ومن أجل الجواب على هذه التساؤلات, et afin de donner des réponses à toutes ces questions, فلنعود إلى كلمة عبد باللغة العربية, qu'on revienne aujourd'hui vers le mot عبد en arabe. القواميس العربية تعطيها ثلاث معان. Les dictionnaires arabes donnent trois définitions au mot عبد. أولا, premièrement, عبد تعني كل إنسان. Le mot عبد en arabe signifie toute personne. سواء عاص أم مطيع, soit que la personne est obéissante ou désobéissante. كافر أم مؤمن, soit que la personne soit mécréante ou croyante. عبد أم حر, soit que la personne soit libre ou non libre. كل إنسان يسمى عبدا. Toute personne, tout être humain s'appelle عبد, s'appelle esclave en arabe. وهكذا فالعرب ألفوا كلمة عبد. Ainsi les Arabes se sont habitués avec le mot عبد, لأن كل الناس عباد, parce qu'en arabe tous les gens sont des esclaves ou des عبد ou des عباد. ثانيا, deuxièmement, التعريف الثاني, العبد يعني العابد الذي يعبد ربه. L'esclave, ou l'abd, signifie l'adorateur qui adore son seigneur ou son maître. ثالثاً, troisièmement, عبد تعني فاقد الحرية. Le mot abd ou esclave signifie la personne privée de sa liberté, al-mamlouk min taraf ghayrihi, la personne appartenant ou possédée par une autre, par quelqu'un d'autre. Wa taqulu al-qawamis kadhalik, les dictionnaires arabes disent an al-ibada wal-ubudiyya ta'ni nafs al-ma'na, que l'esclavage ou l'adoration signifie la même chose à at-ta'a wa at-tadallul signifie l'obéissance et l'humilité. Idan, donc, Abdullah, l'esclave ou Abd Allah, que je traduis moi par esclave, on va voir la suite. Esclave de Dieu signifie al-intima lillah, l'appartenance à Dieu. Je suis possédé par Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est mon possesseur, c'est mon roi, c'est mon créateur. Je lui appartiens. Wa at-ta'a, l'obéissance, wa at-tadallul, et l'humilité. Hadi hiya al-ubudiyya lillah. Ceci, en bref, c'est l'esclavage à Dieu. Et on remarque au passage que le serviteur en français ne signifie pas l'esclave. Parce que le serviteur ne perd pas sa liberté. Et il n'appartient pas à un autre, il n'est pas possédé, acheté par un autre. Et l'obéissance du serviteur à son maître, elle est en contrepartie ou en parallèle d'un salaire que le serviteur obtienne. Et je m'interroge, est-ce que l'esclavage vis-à-vis de Dieu, être l'esclave de Dieu, est la même chose que l'esclavage humain ou bien aux gens? Al-jawab la, la réponse non. Fas-sayyid min al-bashar yashtari al-abd, le maître humain ou parmi les humains achète à l'époque ou achetait à l'époque l'esclave. Wa yabi'uhu, il le revendait. Yadribuhu, il le fouettait. Yuji'uhu, il l'affamait. Yadlimuhu, il l'opprimait. La yarhamuhu, il n'avait pas pitié de lui, il a akhiré, etc. أما العبودية لله فتنقسم إلى نوعين حسب ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. Mais en islam, la ubudiya ou l'esclavage existe sous deux types selon l'explication donnée par le savant Ibn al-Qayyim dans son livre مدارج السالكين. أولاً, premièrement, عبودية عامة, un esclavage général, une ubudiyya générale. Wa hiya ubudiyyat ahlus samawati wal ardi al-mu'mini minhum wal kafir. C'est l'esclavage ou la ubudiyya de ceux qui sont dans les cieux et sur terre, le croyant parmi eux et le mécréant, ils sont tous des esclaves. Wa hiya ubudiyyat al-qahr wal mulk. Et il s'agit de l'esclavage de la domination et de la royauté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Fal kullu 'abidun lirububiyyah. Tout ce monde là où chacun de ceux qui se trouvent sur terre ou dans les cieux est un esclave à la seigneurie. Al kullu khalqun lillah. Tous ou chacun est une créature de Dieu. Mamlukin lahu, possédé par lui. Comme on le dit, on le répète, inna lillah, nous appartenons tous à Dieu, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous allons tous revenir. Kulluna ta'i'ina karhan lillah, tous ceux qui sont dans les cieux ou sur terre sont obéissants par contrainte à Dieu. Al kullu yulad, tous naissent. Al-kullu yamut, tous meurent. Al-kullu yatanafas, chacun respire. On ne peut pas se priver de la respiration. On respire sans penser à la respiration. Al-kullu yanam, tout le monde dort. Chacun a besoin de dormir. Il obéit Dieu dans ce. Al-kullu yakul, tout le monde mange, se nourrit pour pouvoir vivre. Al-kullu yashrab, tout le monde boit. Al-kullu yamrad, tout le monde tombe malade. كل الناس اليوم لها 24 ساعه l'ikhtiyar lana, pour tous les gens le jour fait 24 heures, personne ne peut changer ce qu'a Dieu a voulu. Ta'amiya li qawanin ar-rabb, une obéissance aveugle aux lois divines. Alors le mafhoum athani, la deuxième explication, ubudiyya khassa, un esclavage privé. وهي عبودية المؤمنين كي لا عبودية أو لإسكلافاج دي كرويون عبودية طوعية ان إسكلافاج فولونتير اختيارية par choix de l'individu c'est lui qui choisit librement عبودية عبودية طاعة ومحبة ان عبودية وان إسكلافاج comment dire d'obéissance et d'amour فالمؤمنون عبيد للألوهية donc les croyants sont des esclaves de la divinité فنحن عبيد للرب on est des esclaves du Seigneur du Maître Seigneur عباد للإله et on est des adorateurs de Dieu on adore Dieu mais on est des esclaves de notre Seigneur et le Seigneur et, le, et Dieu s'appelle Allah نحن عبيد للرب عباد للإله والرب هو الإله هو الله سبحانه وتعالى والإسلام لما جاء أمر بإعطاء الحقوق كاملة للعبيد الإسلام lorsqu'il est arrivé il a demandé il a donné des ordres à donner des droits entiers complets aux esclaves de l'époque وشجع على تحريرهم il a encouragé à les libérer كان الصحابة يتشاركون ليشترون عبدا ويعطونه الحرية les compagnons participaient tous collectaient de l'argent pour acheter l'un de leurs frères pour esclave pour lui donner la liberté ونرى كيف صار بلال عبد الأمس سيد اليوم et on a vu comment l'esclave Bilal l'esclave d'hier est devenu le maître par la suite رأينا كيف كان سلمان رضي الله عنه عبدا بالأمس وكيف صار سيدا بالغد nous avons vu tous comment Salman était un esclave et comment il est devenu un maître par la suite وشجع الإسلام على تحريرهم في كثير من الآيات l'islam a encouragé la libération des esclaves dans pas mal de ces versets ولكننا نلاحظ mais on remarque أن القرآن كان يقول le Coran disait dans les versets تحرير رقبة l'affranchissement d'une tête ولم يقل أبدا تحرير عبد jamais le Coran a dit l'affranchissement d'un esclave فكأنما القرآن لم يكن يعترف بالعبودية للإنسان comme si le Coran ne reconnaissait pas l'esclavage humain ou l'esclavage à l'homme فلا عبودية للإنسان إلا لله parce que nul esclavage de l'homme que vis-à-vis d'Allah وفي المقابل et en contrepartie en parallèle نجد القرآن يتكلم عن عباد الله et en parallèle le Coran cité dans pas mal de ses versets les esclaves de Dieu qu'on traduit par les serviteurs de Dieu وعلى رأسهم الأنبياء et à leur tête les prophètes بمعنى كلمة العبد جائزة لله عبد الله غير جائز للبصر ceci signifie que le mot esclave est permis à Dieu on dit l'esclave de Dieu Abdullah mais n'est pas permis pour les humains وغير جائز للبشر مثل بعض صفات الله exactement comme quelques attributs de Dieu فالمتكبر مثلا l'orgueilleux par exemple الكبر صفة لله l'orgueil est un attribut de Dieu لأنه لا يحتاج لأحد parce qu'il n'a besoin de personne لأنه عال على كل خلقه parce qu'il est très très très très haut infiniment haut par rapport à ses esclaves لأنه كبير parce qu'il est le très grand l'infiniment grand par rapport à ses esclaves أما غيره فالكبر حرام عليه mais en dehors de Dieu l'orgueil est interdit والمتكبر من أهل جهنم et l'orgueilleux fait partie des gens de l'enfer فهناك أشياء خاصة بالله il y a des choses exclusives à Dieu ومحرمة على عباده et interdites à ses esclaves فالعبودية تنافي التكبر et l'esclavage s'oppose à l'orgueil العبد لا يتكبر l'esclave ne s'enorgueillit pas فلا يمكن أن نقول بما أن هناك أناس متكبرين ونحن نرفض الكبر on ne peut pas dire mes frères on ne peut pas faire ce raisonnement comme il y a des gens injustes qui sont orgueilleux nous refusons l'orgueil فلماذا سمى الله نفسه بالمتكبر؟ Donc pourquoi Dieu a donné ce nom d'orgueilleux à lui-même؟ أو نقول سنغير هذا الاسم. On dit, on va changer ce nom, l'orgueilleux pour Dieu, parce que les Français ou les autres ou les gens vont quitter l'islam. De la même manière, on ne dit pas, il y avait dans l'histoire des maîtres qui étaient très injustes avec leurs esclaves, ils étaient trop injuste à l'égard de leur esclave. Idan la nusammi al-muslim bi'abdillah, donc on ne donne plus aux musulmans le nom de l'esclave de Dieu. Wa udhakkir huna bi'ann al-muqarana ghayr mumkina, je rappelle ici que la comparaison n'est pas possible entre les deux. Fal muslim yakhtar bikul hurriya an yakuna 'abdan dalilan muti'an lillah. L'islam c'est la soumission. Le musulman choisit de lui-même avec toute liberté d'être un esclave humble, obéissant à Dieu. En sachant que Dieu en tant que maître seigneur, il a les très beaux noms ou les noms d'excellence. Il est le miséricordieux à l'égard de ses esclaves. Ar-Rahman, le très ou l'infiniment miséricordieux à l'égard de ses esclaves. Al-Latif, le très doux. Al-Adl, l'équitable ou le juste. Al-Hakim, le sage. Al-Karim, l'infiniment généreux. Al-Razzaq, le pourvoyeur de subsistance. Al-Wahhab, le donateur par excellence. Al-Ra'ouf, le plein de compassion. Ila akhiré, etc. Allah karrama ibadahu, karrama bani Adam. Dieu a anobli ses esclaves, les enfants d'Adam. Fal'uboudiya lillah, laysat kal'uboudiya lil-bashar. L'esclavage vis-à-vis de Dieu n'est pas comme celui des humains. Wal'an ujib ani su'al al-akhir. Maintenant je réponds, je donne une réponse à la dernière question. Hal kalimat esclave hiya turjumat kalimat 'abd. Est-ce que le mot esclave est bien la traduction du mot arabe 'abd ou bien non amla? Je dis dans la réponse, Qamus le Robert, le dictionnaire le Robert, yaqulu an kalimat esclave. Le dictionnaire le Robert dit à propos du mot esclave, a'taha ta'rifayn. Il lui a donné deux définitions. Al-oula, la première définition, ta'rif al-awwal, personne, l'esclave, personne qui n'est pas de condition libre, shakhs laysa fi halat al-hurriya, qui est sous la puissance absolue d'un maître. يعني هو تحت السيطرة التامة المطلقة لسيد. Pour nous, le maître c'est Dieu. السيد عندنا هو الله. Cela est parfaitement conforme au principe de l'esclavage général كما رأينا. هذا يعني موافق تماما لمبدأ العبودية العامة التي ذكرها ابن القيم. La deuxième définition, at-ta'rif at-thani, personne qui se soumet complètement à quelqu'un ou à quelque chose. شخص يطيع بتدلل كليا لأحد له طاعة كبيرة لأحد أو لشيء. Et cela est conforme avec le principe d'esclavage privé. وهذا موافق لمبدأ عندنا وهو العبودية الخاصة. فهذه الكلمة أقرب كلمة لكلمة عبد. Ce mot, comment dire, esclave en français est le plus proche au mot عبد en arabe. من كلمة serviteur, il est plus proche que le mot serviteur. وربما يقول أحد ولكني لا أحب كلمة العبودية والعبد. Peut-être malgré toutes ces explications, quelqu'un va nous dire, mais mon frère ou mes frères, je déteste le mot esclave. Je déteste l'esclavage. Là, je rappelle une phrase ou une réponse donnée par l'un des savants. Il a dit, إذا سأل أحد لماذا جعلني الله عبدا له. Si quelqu'un se pose la question pour Dieu, pourquoi Dieu m'a a fait de moi un esclave pour lui, ولم يعطيني حريتي كما أريد, et il ne m'a pas accordé ma liberté comme je le veux. فالجواب, la réponse, فليتقدم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. Qu'il se présente le jour de la résurrection au maître Allah, le Très-Haut, وليعترض عليه, et qu'il le conteste, qu'il proteste devant Dieu. وليسأله لماذا جعله عبدا له وسلبه الحرية, et il lui pose la question directement, pourquoi tu as fait de moi un esclave et tu m'as privé de ma liberté. ثم عقب العالم, et par la suite le savant a donné cet ajout, أنه غالبا هذا السؤال يعني قلة إيمان أو عدم إيمان. Souvent cette question traduit la faiblesse de la foi ou le manque carrément de foi. وفي الأخير أقول لك أخي أختي, à la fin je te dis frère ou sœur, انظر إلى فرعون, regarde Pharaon, رفض أن يكون عبدا لله, il a refusé d'être un esclave de Dieu. وأعلن نفسه إلها وسيدا, et il s'est déclaré comme Dieu et comme maître. وجعل من بني إسرائيل عبيدا له وظلمهم, et il a fait des enfants d'Israël des esclaves pour lui, et il était très injuste à leur égard. عاد موسى عليه السلام, il est devenu le premier ennemi de Moïse, prière et sagesse. ويوم وفاته, لحظات قبل موته غارقا, le jour de son décès, quelques instants avant sa mort noyé, قال ما تقول الآية الكريمة, il a dit ce qui a été rapporté dans le verset coranique, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا عباد الله, نرى ماشي إله, راه الإله الحقيقي هو إله بني إسرائيل, وأنا من المسلمين, وأنا من المتذللين أمام ربي, وأنا من الطائعين أمام ربي الخاضعين الطائعين. Il dit je crois maintenant, juste avant sa mort, je crois maintenant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je fais partie des musulmans, ça veut dire des soumis et des humbles devant Dieu. في اللحظات الأخيرة أقر بعبوديته وطاعته لله. Dans les dernières secondes, il a affirmé son esclavage et son obéissance servile à Dieu. اعترف بأنه عبد لله طوعا. Il a reconnu qu'il est un esclave à Dieu. Volontairement, il l'a fait. رغم أنه عصى فعل ذلك طول حياته, malgré qu'il a refusé de le faire pendant toute sa vie. ولهذا رفض الله عبوديته وإسلامه, raison pour laquelle Dieu en ce moment il a refusé son esclavage et à lui, et il a refusé son islam. فالتوبة عند الموت غير مقبولة, le repentir juste avant la mort n'est pas agréé. التوبة عند الموت استهزاء بالله, le repentir juste avant la mort est une moquerie vis-à-vis du maître Allah. Akhi, ukhti, frère, sœur, fala taf'al mithla Pharaon, ne fais pas comme Pharaon. Wa kun min al-yawmi 'abdan lillah, et sois à partir d'aujourd'hui pendant toute ta vie un humble esclave vis-à-vis de Dieu. Wa fil akhir usikum wa nafsi bi taqwa Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. عباد الله, serviteur de Dieu ou esclave de Dieu, لا تكونوا كفرعون, ne soyez pas comme Pharaon, كونوا, soyez comme محمد صلى الله عليه وسلم, فهو إسوتنا, soyez comme Muhammad, prière et sagesse, c'est notre exemple à suivre. Qudwatuna, c'est notre modèle. Ja'ahu al-malak, l'ange lui est venu. Wa khayyarahu bayna an yakuna nabiyan malikan ou nabiyan abdan. Il lui a laissé le choix entre devenir un prophète roi ou un prophète esclave. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit prière et saillé sur lui. Bal nabiyan abdan. Talat marrat. Et il a dit plutôt je voudrais devenir un prophète esclave. Et il l'a répété à trois reprises. Waqala sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi. Et il a dit prière et saillé sur lui à ses compagnons. La tutruni. Kama atratin nasara al-masih ibn maryam. Ne me flattez pas comme ce qu'ont fait les chrétiens vis-à-vis du Messie fils de Marie, fa innama ana abd. Je ne suis qu'un esclave. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, dites plutôt l'esclave de Dieu et son messager. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit prière et saillé sur lui, ana abd. Je suis un esclave. Akulu kama yakulu al-abd. Je mange à la façon de l'esclave. Wa ajlis kama yajlisu al-abd, et je m'assois à la façon de l'esclave. Wa ma shabi'a sallallahu alayhi wa sallam thalathat ayyam tiba'an min khubz, faqat al-khubz wahdu hatta faraqa ad-dunya. Et jamais il ne s'est rassasié pendant trois jours de suite du pain sec jusqu'au moment où il a quitté le bas monde. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Tamurru al-thalath ayyam la ya'kul, trois jours passés et il ne mangeait pas. Kana sallallahu alayhi wa sallam yanamu ala al-hasir mubashara, il dormait prière et saillé sur lui directement sur la natte de paille, sur de la paille. Fayu'athir fi jambihi, et ça lui faisait mal dans son flanc. Fayarahu Umar ibn al-Khattab wa yabki, et Umar fils de al-Khattab le voyait et il pleurait. Kana sallallahu alayhi wa sallam fi khidmati ahlihi, il était prière et saillé sur lui au service de ses femmes. Yankus, il balayait. Yakhitu thiyaba, il cousait ses vêtements, il a akhiri, etc. Ikhtara min tilqa'i nafsihi sallallahu alayhi wa sallam an yakuna abdan lillah. Il a choisi volontairement d'être un esclave à part entière, mais de Dieu. An yahya hayat al-abd amam Allah. Il a voulu mener une vie d'esclave vis-à-vis de Dieu. Qimmat at-tadallul wa at-tawadu', le sommet de l'humilité et de la modestie. Shi'aruhu, son emblème, man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah, celui qui se rabaisse devant Dieu, Dieu l'élève. Wa man takabbara wada'ahu Allah, et celui qui s'enorgueillit, Dieu le rabaisse. Wa kana yatafana fi dhalik, il donnait le meilleur de lui-même dans ce domaine. Kana sallallahu alayhi wa sallam faridan min naw'ihi, il était unique du genre. Faqa al-bashariyya fi al-'ubudiyya lillah, il a dépassé l'humanité entière dans le domaine de l'esclavage à Dieu. Fa kana sayyid al-bashar, il fut le maître de l'humanité. Hatta arsala Allah ilayhi malak al-maut, jusqu'au moment où Dieu lui a envoyé l'ange de la mort. Fi sinni al-thalith wa sittin, à l'âge de 63 ans. Wa kana yatamatta' bi kamil quwwatihi, à l'époque il jouissait de toutes ses forces. Yaqulu lahu al-malak, l'ange lui dit, l'ange de la mort, inna rabbaka ishtaqalak, ton Seigneur a hâte de te voir à côté de lui. Wa yukhayyiruka bayna al-hayat al-abadiyya wa liqa'ihi, yani al-maut, et il te laisse le choix entre la vie éternelle sur terre et sa rencontre, ça veut dire la mort. Faqala sallallahu alayhi wa sallam ikhtartu rabbi, ikhtartu rabbi, ikhtartu rabbi, il a répondu prière et ça se dit, j'ai choisi mon maître Seigneur, j'ai choisi mon maître Seigneur. Wa qala li ashabi, et il a dit à ses compagnons, abdun hatta mawtu yurid an yamuta mawta al-abd, abdun khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Un esclave, il parle de lui, un esclave, même la mort, il va mourir la mort d'un esclave. Un esclave, Dieu lui a laissé le choix entre la vie et ce qu'il y a auprès de lui, et il a choisi ce qu'il y a auprès de Dieu. Fabaka Abu Bakr, لأن الوحيد الذي فهم هذا المعنى et le seul qui a pleuré c'était Abu Bakr parce qu'il a compris ce que signifiait le prophète. خير صلى الله عليه وسلم بين الملك والعبودية فاختار العبودية. On lui a laissé le choix, prière et s'assurer entre la royauté, être roi et être esclave, il a choisi d'être esclave. خير بين الحياة والموت فاختار الموت لقاء الله. On lui a laissé le choix entre la vie et la mort, il a choisi sans hésiter la mort, la rencontre de Dieu. وأنت أخي أختي. Et toi frère ou sœur, ya Abdallah, ô esclave de Dieu, ya Amatallah, هل الآن تعيش حياة العبد؟ Est-ce que maintenant tu vis la vie d'un esclave؟ ربك معك في كل يوم يراك ويسمعك. Ton maître Seigneur est avec toi chaque jour. Il te voit et il t'écoute. هل تأكل كما يأكل العبد؟ Manges-tu à la façon de l'esclave؟ هل تجلس حتى وإن كنت وحدك لا يراك أحد؟ كما يجلس العبد؟ Est-ce que tu t'assois même lorsqu'il y a personne à la manière de l'esclave؟ يا عبد الله، ô esclave de Dieu، كلامك كله يسمعه سيدك. Tout ce que tu dis, ton maître, Seigneur, l'entend. يا عبد الله، ô esclave de Dieu، أفعالك كلها يراها سيدك. Toutes tes actions sont vues par ton maître. هل تساعد في بيتك كالعبد؟ Est-ce que tu aides dans les tâches ménagères chez toi comme l'esclave? ربك معك يراقب عينيك. Ton Seigneur ou Maître est avec toi, il surveille tes yeux. التلفاز, la télé, وغيرها, et d'autres. كيف وجدك؟ نعم العبد أم بئس العبد؟ Comment il t'a trouvé, un meilleur esclave ou un mauvais esclave? يراقب سمعك, il surveille ton écoute. يراقب لباسك, il surveille tes habits. هل أنت عبد يلبس كما أمره سيده؟ Es-tu un esclave qui s'habille conformément aux ordres de son maître, c'est-à-dire il doit couvrir des parties de son corps? أختي, ma sœur, هل تغطي كل جسمك كما أراد سيدك؟ Est-ce que tu couvres tout ton corps comme ton Seigneur l'a voulu؟ ماذا فعلت في وجهك؟ هل أغضبت سيدك؟ Qu'est-ce que tu as fait de ton visage؟ Est-ce que tu as énervé ton maître Seigneur؟ يا عبد الله، ô esclave de Dieu، هل تقوم بأنواع الحرام أمام سيدك؟ Commets-tu les différents types d'interdits devant ton maître؟ أين عبوديتك وتدللك؟ Où sont-ils ton esclavage et ton humilité؟ قمة العبودية هي درجة الإحسان. Le sommet de l'esclavage est ce qu'on appelle en islam la perfection ou l'ihsan. هي أن يكون العبد مطيعا متذللا في كل أحواله أمام الناس ووحده كأنه يرى سيده الله. C'est lorsque l'esclave soit humble, obéissant dans toutes ses circonstances devant les gens en privé comme s'il voit son maître Allah. فإن لم يكن يرى, dans le cas où il ne le voit pas, فليحس أن سيده يرى, qu'il ressente dans ce cas-là que son maître le voit. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, لن نحس بحلاوة الإسلام والإيمان, jamais nous allons goûter à la saveur et à la douceur de l'islam et de la foi, إن لم نحس بحلاوة العبودية لله, si on ne goûte pas la saveur ou la douceur de l'esclavage à Dieu subhanahu wa ta'ala. هذه عقيدة, il s'agit là d'une croyance, ويجب أن نوصل العقيدة كما هي, et on doit traduire cette croyance comme elle est à ceux qui ne parlent pas l'arabe. ونسأل الله أن يتقبل منا. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا سيدي, يا مولاي, اجعلنا عبادا لك, اجعلنا عبادا مخلصين أحرارا لك. يا رب, لا تجعلنا عبادا لغيرك. يا رب, اجعلنا عبادا متذللين طائعين لك. ولا تجعلنا عبادا متذللين طائعين لغيرك. يا رب اجعلنا عباد إحسان ولا تجعلنا عباد عصيان. يا رب ساعدنا على أن نكون عبادا لك، حسن عبوديتنا أمامك، حسن تذللنا بين يديك، أخرج دموعنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على ما طلبت منا، إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.